es seul dans ta chambre et souvent tu t'ennuies. Tu fais des mauvais rêves, tu remues dans ton lit. La nuit tu es trop seul, tu cherches une photo. Tu fermes un peu les yeux, tu caresses ta peau. Faut pas pleurer, t'es pas le premier. On t'attendait, assieds-toi là, écoute-moi. Tout le monde l'a fait, tout le monde se tait. Tout le monde l'a fait, personne le dit. Tout le monde l'a fait, même ton papa et ta maman, le président et tous les rois, le chat d'Iran et Fabiola, Chateaubriand et Dalida. Tout le monde l'a fait, Ali Baba et l'Aga Khan, Robin des Bois et D'Artagnan, Mona Lisa et Jean Valjean, Vasco de Gama et Magellan, et même Rembrandt et Delacroix, François Sagan et Gargantua, Edmond Rostand et Gambetta, Sylvie Vartan et Jean 23, jeune. Tout le monde l'a fait, le preux Roland et Henri III et nos ancêtres les Gaulois. Tu es le dernier des Mohicans. Tu voudrais bien dormir et trouver le repos dans ta nuit sans amour. Tu appelles quelqu'un, tu fermes un peu les yeux, tu caresses ta peau. Tu imagines un peu, tu penses à d'autres mains. Faut pas pleurer, t'es pas le premier. On t'attendait, assieds-toi là, écoute-moi. Tout le monde l'a fait, tout le monde se tait. Tout le monde l'a fait, personne le dit. Tout le monde l'a fait, tous tes copains et tes cousins et tous les académiciens, Saint-Augustin, Victor Hugo, Le Drurolin, Solferino. Tout le monde l'a fait, Marco Polo, Denis Papin, le père Goriot et Charles Quint, Monte Cristo et Mazarin, le mime Marceau et Saint-Gobain, et même Chopin et Picasso, La Rochefoucauld et Tartarin, Quasimodo et Duguesclin, et même Rio de Janeiro. Tout le monde l'a fait, Tintin, Milou, Michel Foucault et même la Vénus de Milo. Tu es le dernier des Mohicans. Tu es le dernier des Mohicans.